Voici l'essentiel sur la cathédrale d'Avila. Imaginez un peu, la toute première cathédrale gothique d'Espagne. Un véritable chef-d'œuvre du XIIe siècle, pensé avec une vocation complètement folle, être à la fois un sanctuaire spirituel apaisant et une forteresse militaire absolument impénétrable. Premièrement, parlons de cette architecture hybride parce que c'est un vrai temple-forteresse. L'abside de la cathédrale, vous savez, la partie arrondie à l'arrière que les locaux appellent El Cimoro, eh bien, ce n'est pas juste un mur d'église, c'est littéralement encastré dans les célèbres murailles défensives de la ville, agissant comme l'un des bastions les plus massifs pour protéger Avila. Deuxièmement, on doit absolument parler de son allure visuelle et de la fameuse pierre sanglante. En 1172, l'architecte Maestro Fruquel a fait un choix spectaculaire en utilisant la piedra sangrante, un grès local parcouru de veines rouges d'oxyde de fer, ce qui donne au bâtiment ce look incroyablement dramatique et vraiment saisissant. Troisièmement, c'est un véritable écrin de chef-d'œuvre. Le contraste est juste dingue entre cet extérieur militaire super brut et l'intérieur qui est totalement éblouissant. Sur ses 300 ans de construction, elle a accumulé des trésors inestimables, comme le magnifique retable du maître-autel peint par Pedro Berruguete à la Renaissance, ou encore l'incroyable tombeau en albâtre d'Alonso de Madrigal, sculpté de main de maître par Vasco de la Zarza. Au final, cet édifice spectaculaire incarne vraiment à la perfection toute la dualité de l'Espagne médiévale, tiraillée entre de hautes aspirations divines d'un côté et la pure nécessité de survie brute de l'autre.